noche. Se come pigiami a te tu, la butta in che te gente. Metti da taglia, la monsa dei tanti, la monsa dei tanti. La monsa dei tanti. La monsa dei tanti. La monsa dei tanti. Tu me quittes ma bague pour un de ce type de mag. Un flic de choc par un arrière qui te filette à la tête. Des chocs, des cloques et des queues de matraque. La morse des tailles. La morse des tailles. La morse des tailles. La morse des tailles. Époque critique. Je fais un vivote, mais patate. Le flic qui me watch. Tout est fichu, tout est dans l'âge. Fichu, mec, ma.